Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë. Alors le titre original, c'est Wuthering Heights. Heights, Heights. Wuthering, Wuthering. En gros, littéralement, c'est les hauts soufflants, quoi, tempétueux, enfin bon. Voilà, donc traduit par les hauts de Hurlevent, ce qui n'est pas très. Ce qui est à la fois un petit peu éloigné, et en même temps qui sonne mieux, il y a une forme d'allitération, je trouve. Les hauts de Hurlevent, il y a quelque chose, quoi. Il y a le haut et le hurle, enfin, qui se répondent bien, alors que Wuthering Heights, bon, c'est moins fort. Bon, voilà, c'est peut-être pour dire que la qualité d'un titre, la traduction d'un titre, c'est déjà important. Alors, c'est une histoire un petit peu complexe, hein, enfin complexe. Ouais, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'événements, pas mal de personnages quand même. Et surtout, une généalogie à bien saisir. Je vais commencer tout de suite par là. Alors, comment décrire? Je vais essayer il faut que je donne à la fois une bonne vision de l'histoire, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'aurais du mal. C'est un livre quand même de 400 pages, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Alors, donc c'est Emily Brontë, hein, et le « et » de Brontë avec un tréma. Voilà, il faut dire que c'est pas si courant en anglais, hein, même en français d'ailleurs. Alors, il y a deux familles dans la généalogie. Il y a les Earnshaw et les Linton. Earnshaw, Linton. Linton, un peu plus riche. Il y a deux maisons. Chaque famille a sa maison. Il y a la famille Linton qui vit à Thrush Cross Grange. On va dire la grange, hein, grange, parce que Thrush Cross, j'arrive, c'est pas évident à bien dire. Et l'autre maison, c'est celle des hauts de Hurlevent, voilà, celle de Wuthering Heights, de les Earnshaw, qui est aussi des nobillons du coin, hein, enfin des bourgeois du coin. Hein, ça se passe, eh ben oui, il y a des dates, donc bon, même si dans le livre on s'appesantit pas. En gros, les premiers personnages naissent au milieu du 18e, 1757, etc. Et à la le film, le film, ouais. Il y a eu un film, je l'ai pas vu. Il y a eu un film, paraît très beau, hollywoodien. Il y a peut-être une cinquantaine d'années. Et ça se termine en 1803. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a deux familles. Les Earnshaw, il y a un frère et une sœur. Hindley et Catherine. Et le père Earnshaw, lors d'un voyage, ramène un enfant. Ramène un enfant sans parents. Qui a à peu près leur âge, hein, l'âge des parents. En fait, il aurait un an de moins que Catherine. Bon. Il s'appelle Heathcliff. Heathcliff. Heathcliff. Bref, Heathcliff, qui devient donc le plus jeune frère. Il est défendu par le père qui l'a ramené, mais il y a une hostilité de la famille autour de lui. Une hostilité aussi parce que le père se sent des accointances particulières avec Heathcliff et à la limite moins avec les deux autres enfants. Au départ, Hindley et Catherine étaient unies contre Heathcliff. Mais très vite, Catherine va s'entendre avec Heathcliff, tellement qu'ils vont avoir une espèce d'enfance idéale et sauvage. Parce que c'est assez. Alors, il y a un. Grimmerton, c'est le nom du village qui est pas très loin des deux maisons. Mais c'est dans le nord de l'Angleterre, ça, vraiment dans une campagne vraiment reculée. Et ils partent dans la lande tous les deux, Catherine et Philippe. Ils deviennent inséparables. Une sorte d'amour d'enfant, mais très fort. Très très fort. Voilà. Alors, les Linton, il y a Edgar et Isabelle. Donc, c'est beaucoup plus bourgeois. Des enfants gâtés, hein, c'est un peu le truc, quoi. Des enfants gâtés, un peu faibles. Bon, je peux déjà parler maintenant un peu d'Emily Brontë. Elle, fille de théologien, de pasteur, je sais plus. Elle vivait comme ça, de façon très très très reculée dans la campagne. Elle voyait très peu le monde. À peine le village. Donc, ça correspond assez bien au personnage. Je pense qu'elle est plus du côté des Earnshaw que des Linton. Hein, il y a par l'argent, en tout cas. Donc, Edgar et Isabelle, quand Catherine et Heathcliff parfois les regardaient par la fenêtre, ils étaient surpris de voir, bon, à la fois très beau, parce que vraiment des petites poupées, bien habillées, tout beau, hein, mais très faibles, geignant pour un oui ou pour un non, ne connaissant pas leur bonheur, voilà. L'être civilisé et faible qui sort pas dehors, et les deux autres, c'était les petits sauvageons qui vivaient complètement le rapport à la nature, leur liberté d'enfant. Alors ensuite, il y a un personnage central, c'est Miss Dean, Ellen Dean. C'est la bonne, mais la bonne en chef. Hein. C'est celle qui élève un peu les enfants, qui bon, c'est pas la dernière des souillons. Et cette Ellen Dean, alors au début, elle est au service de qui? Elle est au service des Earnshaw, je crois. Ouais, au service des Earnshaw. Et elle est un peu plus vieille hein, que Hindley, Catherine et Heathcliff, mais pas beaucoup. Et parce que donc elle était une des domestiques là, l'aînée là-bas, et puis voilà, elle s'occupait des enfants un peu. Et elle a notamment élevé en partie Heathcliff beaucoup. C'était une des seules à un moment qui n'était pas contre lui, parce que le père Earnshaw va vite mourir. Et c'est elle qui raconte l'histoire à un certain Mr. Lockwood. Lockwood, on est juste autour de 1800, juste avant la fin de l'histoire. Hein. C'est-à-dire que la fin de l'histoire, on va recoller au temps réel. Alors qu'au début de l'histoire, donc on est dans le flashback permanent. Mais pas au tout début. Au tout début, c'est Lockwood qui en a marre de Londres. C'est le pédant riche qui veut louer la maison Lagrange. Hein. Thrush Cross Grange. Et il veut la louer à Heathcliff, qui en est le propriétaire. Alors déjà, on mesure un peu, parce qu'on voit l'écart qu'il y a là. Heathcliff, qui est le bâtard, enfin pas le bâtard, mais qui est l'enfant abandonné, adopté par les Earnshaw, donc dans Haut du Hurlevent, qui va être ensuite propriétaire des deux maisons. Et ça, on le sait dès le début. Donc, Lockwood arrive là-dedans, il va louer la maison Lagrange. Et il voulait quand même aller voir son propriétaire pour discuter, pour un peu pas jouer le sauvage, et puis avoir envie de voir à qui il pouvait avoir affaire pour garder des interlocuteurs quand même dans ce monde où on parle pas aux domestiques, quoi. Et il va être pas très bien reçu par Heathcliff. Et il va voir deux autres personnages. Il va voir un certain Harriton, Earnshaw, et Catherine, en fait, Linton. Alors c'est compliqué, c'est très très très très compliqué. Parce que comment dire? Catherine, cette fameuse Catherine Linton, c'est la fille de Catherine, qui est la fille de Earnshaw, Hindley, etc. Donc, bon, là il y a un gros trou hein, pour l'instant, mais voilà. Et c'est la fille. Et Hareton, c'est le fils de Hindley. Bon, on verra après avec qui. C'est avec un personnage assez secondaire qui s'appelle Frances. Et ce Lockwood, il est perdu dans la maison des Hauts de Hurlevent. Enfin, il est perdu. Il est reçu mal par Heathcliff, qui, Heathcliff, là, est en la force de l'âge, hein, qui a la quarantaine, même pas tout à fait. Catherine ayant plutôt 16, 17 ans, 17 ans. Je regarde, oui, c'est ça, à peu près. Alors, il est mal reçu. Je parle même pas des domestiques. Hein. Enfin, il y a un domestique qui est un peu énervant, un certain Joseph là, qui est affreux. Il est mal reçu parce qu'il flippe, c'est un ours, vraiment. Et il y a de l'animosité envers Aretone et Catherine, Cathy. On va l'appeler Cathy, la fille, et Catherine, la mère. Ce sera plus simple. Voilà. Et Lockwood, il dort finalement. Bon, il s'incruste un peu. Il peut pas rentrer chez lui. Il y a une tempête de neige. Mais l'autre voulait pas le recevoir pour la nuit. Mais enfin, il finit par s'incruster dans la chambre ou avec la chambre de Catherine, la mère. Là, il dort là. Alors que Heathcliff voulait pas. Mais Landin l'a mis là. Bon, enfin, voilà, c'est un peu compliqué. Il se retrouve. Non, Landin n'est pas encore là. Elle est à Fresh Cross Grange, je crois. Bref, il dort là, et il fait un cauchemar, une sorte de fantôme de Catherine, enfant. Sauf que là, on comprend rien au début, hein, on est un peu largué, c'est pas terrible d'ailleurs ça. Voilà, bon. Il fait un cauchemar. Il y a eu de la souffrance, il y a des gens, enfin, on sait pas ce qui se passe. Et c'était effectivement la chambre de Catherine qui est morte. Après, il va vivre à la grange. Après, vu l'accueil qu'il a reçu, le monsieur Lockwood, là, il restera à la grange. Finalement, il restera pas longtemps. Mais enfin, il va rester suffisamment pour que Miss Dean, lui apprenne tout ce qu'elle sait de l'histoire. Et elle va lui raconter. Et tout le livre, c'est un peu. Là, c'est un récit. Alors, c'est Lockwood qui raconte que Mrs. Dean lui raconte, qui raconte elle-même parfois soit ce qu'elle a vu, soit de récits d'autres. Alors, c'est très, très, très. À de courts moments, on est un petit peu perdu. Il faut pas, c'est pas trop gênant, mais bon, faut quand même toujours se rappeler qui parle. Alors, je sais plus. Il y a des sauts comme ça. Hein. Catherine donc découvre les Catherine et Heathcliff découvrent Edgar et Isabelle, les enfants Linton, avec beaucoup de mépris. Mais progressivement, Edgar est reçu quand même par les Henshaw. C'est un peu prestigieux, c'est les deux familles là. Bon voilà. Et Heathcliff, lui, il est méprisé par les Linton, par la famille de Edgar et Isabelle, parce que lui, c'est le petit. C'est le petit sauvageon, puis surtout il a aucune manière, il est violent, il est méchant, c'est vraiment pas un tendre. Il n'y a que Catherine qui arrive à le dompter en fait. Mais Catherine, elle est fascinée par la richesse, par le savoir aussi. Parce que Edgar est cultivé, hein, bon bien sûr, petit Richard là, tout. Alors Heathcliff, lui, très vite, il va décrocher des apprentissages. Alors que Catherine va continuer, Heathcliff va décrocher. Pourquoi? Parce que leur père, hein, Monsieur Hanshaw, une fois mort, c'est Hindley qui devient le chef de famille. Parce que leur mère était morte, hein, je crois. Hindley, le grand frère de Catherine. Et lui, il déteste Heathcliff. Et donc, il va très vite le mettre au rang d'homme de ferme, quoi. Il devra travailler pour vivre. Il va être méprisé, etc. Donc, il n'aura plus droit au cours. Et il y aura un fossé culturel, on va dire, en tout cas de savoir, d'éducation, qui va se creuser entre Catherine et Heathcliff. Elle, découvrant Edgar, qui est beau, certes, un peu, voilà, la femmelette, hein, typiquement, c'est ça, quoi. Hein, bien sûr, c'est brutal de le dire comme ça, mais c'est vraiment la femmelette, quoi. Il est pas fort, il est pas vigoureux, il est un peu bête, bon. Enfin, non, il est pas bête. Il est pas bête, mais il est faible. Faible. Moi, on sent qu'il y a quand même du Emily Brontë, il y a de la Catherine, hein. C'est un peu une sorte de Emily Brontë, c'est la version civilisée de Catherine. Bon, ça, on le sent comme ça. Et d'après la description que sa sœur en fait à la fin du livre, elle a fait une postface qu'elle a mise pour la deuxième édition du livre. On sent que c'est vraiment ça. Caractère fort, mais bon, bien civilisé, bien retenu, un peu sauvage. Donc Catherine est fascinée par Edgar, il se rapproche. Dans le même temps, Heathcliff entend que Catherine jamais elle pourrait épouser. Alors il y a un peu des bon, il y a des incohérences, enfin pas des incohérences, mais des quiproquos parce qu'en fait, elle hésite. Son cœur lui dit qu'elle devrait épouser Heathcliff, mais elle est tentée d'épouser Edgar. Et là, Mrs. Dean, ben elle pousse pas au choix du prestige et de la raison, etc. Elle dit qu'elle doit écouter son cœur et qu'elle peut pas épouser Edgar. Mais Catherine, quand même, quand elle voit l'argent, la beauté... Bon, la beauté... c'est plutôt... il est bien mis, quoi. Il est bien habillé, il a les joues roses, il est pas sale. Enfin, bon, en plus, il est beau, mais... Mais c'est aussi c'est le visage ouvert. Alors qu'Heathcliff, c'est le petit sauvage, les cheveux bruns, les yeux brillants, la mine renfrognée, et puis surtout, manquant de culture aussi, ça. Et puis, c'est un peu l'homme de ferme. Enfin bon, il y a plusieurs raisons. Et puis en plus, après, je ne sais pas, elle en parle pas trop, mais c'est quand même son frère adoptif, mais c'est quand même son frère. Alors ça, on n'en parle pas, comme si c'était pas un problème. Mais bon, moi je pense que... Je suis pas certain que dans cette société-là, ce soit pas un problème quand même. Enfin bon. Donc Catherine va épouser Edgar. Heathcliff, de désespoir, va partir. Et il reviendra des années plus tard, changé. C'est-à-dire qu'il aura retrouvé une culture. Il sera toujours aussi fougueux et puis surtout toujours aussi ténébreux. Mais il sera plus... Catherine s'était moquée de son ignorance. Et ce sera fini, ça. Il reviendra en homme qui est fier de lui, les épaules en arrière, la tête relevée, même s'il est toujours ombrageux, ténébreux. Voilà. Et il en veut énormément. Et comme d'habitude dans ces cas-là, au lieu d'en vouloir à Catherine, il en veut à Edgar. Alors certes, il en veut aussi à Catherine. Mais d'abord à Edgar. C'est lui qui lui a volé Catherine. Voilà. Il s'incruste un peu quand il revient. Alors, il a fait fortune, en plus. Il revient au haut de Hurlevent, chez Inlay, qui a eu un fils avec une femme. Pauvre, a priori, pas du tout de son milieu non plus. Bon, bref. Donc, il revient au haut de Hurlevent, où il y a le petit Harriton, donc le fils de Hindley. Donc, il revient et d'une certaine manière, il se fait héberger en prêtant de l'argent à Hindley. C'est la raison pour laquelle Hindley l'accepte au haut de Hurlevent alors qu'il le détestait. Il l'accepte et il lui prête de l'argent et puis Hindley, quand il a perdu sa femme, il est devenu de plus en plus alcoolique, violent, coupé du monde, et donc finalement il s'occupait très mal de son fils. Voilà. Et Hélène l'a aussi élevé. Hélène, elle a tout fait. Hélène Dean. Donc pendant ce temps-là, Catherine était mariée à Edgar. Là, il y a eu des années de... Comment... C'est un peu étonnant, là. C'est... À sa façon, elle aimait quand même Edgar, mais c'était vraiment pas la passion. Mais alors, quand Heathcliff revient, alors là, ça perturbe tout. Edgar essaye de faire bonne figure, mais Catherine, elle est fougueuse, hein, comme pas tout à fait comme Heathcliff, mais quand même. Et du coup, non, mon mari doit vouloir mon bonheur, donc si moi je veux revoir mon cher Heathcliff, enfin, y a pas de problème, quoi. Hein, il doit me laisser faire. Parce qu'il n'y a jamais de connotation sexuelle. Alors ça, c'est ce que j'ai lu après, mais c'est vrai que ça m'a assez frappant. Le sexe est complètement... N'existe pas. Alors là aussi, il faudrait voir. Hein, Emily Brontë, dont j'ai dit, elle a vécu vraiment avec ses deux sœurs et son frère. complètement recluse, un peu, elle a très peu voyagé, elle supportait pas, elle a même pas envie de partir de chez elle. Une fois qu'elle a voyagé quelques mois, elle est rentrée et puis elle voulait plus sortir. On lui connaît pas d'histoire d'amour, mais elle a écrit des poésies qui montrent qu'en tout cas, bon, forcément, ça travaillait dans sa tête et qu'il y a eu, de l'amour au moins virtuel. Peut-être qu'il y a eu aussi une histoire platonique, il y a eu des sentiments, peut-être, bon, on sait pas. Et surtout, elle est morte à 28 ans, c'est son seul livre. Alors c'est quand même quelque chose d'assez fort. Alors, une petite pause là. Donc, quand Yves-Cliff revient, il prend possession des Hauts de Hurlevent. Hindley, son état de santé se dégrade, il finit par mourir. Catherine et Yves-Cliff se rapprochent. Edgar, devant la violence d'Yves-Cliff, finit par lui interdire la grange. Mais Yves-Cliff est indomptable. Ils se rapprochent de plus en plus tous les deux. Elle devient malade. Et avant qu'elle meure, il y a une scène où elle revoit Heathcliff une dernière fois. Heathcliff finit par lui dire, quoi, mais pourquoi tu m'as pas choisi? Mais pourquoi tu m'as pas choisi? Et elle, dans son délire, elle se remet pas en cause, hein, c'est de la faute d'Heathcliff, c'est de la faute d'Edgar. Edgar, lui, souffre de plus en plus. Finalement, elle meurt. Elle meurt en mettant au monde Cathy. Voilà. Mais dans le même temps, j'ai oublié de parler de quelque chose. La sœur d'Edgar, Isabelle, qui vivait avec eux, ça se passait très bien entre Isabelle, Catherine et Edgar. Ben, il y a un problème, c'est qu'elle tombe amoureuse d'Heathcliff. Mais par pure méconnaissance, c'est-à-dire que voilà, quand il revient, là, très fort et tout, elle le trouve beau, voilà, c'est tout, puis elle lui prête des intentions très positives. Elle connaît pas sa véritable nature. Edgar refuse, bien sûr, pour sa sœur, machin, mais bon. Du coup, elle peut pas bien le connaître, et du coup, elle s'enfuit avec lui. Et il se marie, et Heathcliff, lui, il n'a aucun intérêt pour elle, mais par contre, il a un très vif sentiment de l'intérêt financier qu'il pourrait en retirer. Et du coup, il se dit que si Edgar meurt, c'est lui qui hérite comme Catherine est morte. Enfin, là, à ce moment-là, pas encore. Mais il pourrait, ce serait bien pour lui de se marier avec Isabelle. De toute façon, il peut pas avoir Catherine, alors il s'en fout après. Donc il se marie avec Isabelle. Très vite, d'ailleurs, enfin, même le. Après, on apprendra que dès leur nuit où ils ont fui ensemble, où ils sont mariés, elle a compris que ça n'allait pas. Enfin, au bout de 2, 3 jours, elle le haïssait. Hein, c'est ça qui est assez extraordinaire. Mais bon. Trop tard. Trop tard. Donc, Catherine est morte. On mettant au monde Cathy. Ils mettent Heathcliff a un enfant avec Isabelle, Linton. Ouais, c'est bizarre ça d'ailleurs. Parce que Linton, c'est le nom de famille, et c'est vrai que l'enfant, c'est Linton Heathcliff. Heathcliff qui est à la fois le prénom, enfin qui est le prénom de. Mais par adoption, c'est Heathcliff Earnshaw d'une certaine manière. Hein. Bon, bref. Donc c'est Linton. Ils ont un fils, voilà. Mais alors lui, c'est une espèce de petit Edgar, ça qui est drôle. Il a pris du côté de sa mère, le côté un peu faible, pas de force de caractère, souffreteux. À un moment, donc, c'est assez violent tout ça. Edgar, bah, il renonce à sa sœur parce qu'elle a épousé l'autre. Elle finit par réussir à s'enfuir, je crois, avec l'aide d'Hélène ou quasiment. Enfin, Hélène est là, toujours au centre de tout. Elle finit par s'enfuir des Hauts de Hurlevent, où elle était quasiment. Enfin, elle était très très mal avec Heathcliff, qui était violent, etc. Et elle finit par s'enfuir, elle emmène son fils avec elle, son fils Linton, qu'elle élève seule. Alors pour ne pas... Bon, c'est un peu l'astuce qui est donnée, c'est-à-dire qu'elle ne pourrait pas vivre à la grange avec son fils parce que Heathcliff ne la laisserait pas faire. Du coup, elle part vraiment, quoi, au sud de l'Angleterre, élever son fils, toute seule. À la mort, elle finit par mourir. Alors, Cathy a 17 ans, Linton est un peu plus jeune, mais à peine, hein, oui, c'est ça, il a un an de moins seulement. Il a un an de moins vers quand... Non, elle a 13-14 ans à peu près. Isabelle meurt avec son fils, qui est un tout petit peu plus jeune. Et là, son fils revient à la grange chez son oncle, Edgar. Et avec sa cousine, Cathy. Mais là, Heathcliff débarque et il a les droits. C'est son père quand même. Donc il demande, il impose... Enfin, il vient chercher son fils, quoi. Alors, c'est tout le problème, hein. Parce que du coup, on n'est pas dans la merde, quoi, hein. On n'est pas dans la merde, parce que il n'a pas été très très bien élevé par Isabelle, une femme seule, hein. Il est jeune, c'est pas un enfant, très attachant. Heathcliff le prend et en gros, il va l'utiliser, comme il utilise tout le monde autour de lui. Hein. Alors, Areton, le fils de Hindley, qui détestait aussi, hein, qui vit au haut de Hurlevent avec Heathcliff, il arrive à le manipuler de telle sorte que il a un garçon, enfin, le jeune Areton, qui maintenant est ado, hein, à peu près le même âge que Cathy et Linton. Il est à la fois très vigoureux, beau et ignorant, parce que Heathcliff l'a rendu ignorant. Il a fait en sorte que Areton déteste tout ce qui est culture. Et il l'a fait par vengeance. Il l'a fait par vengeance posthume envers Hindley, qu'il avait fait tant souffrir. Mais en même temps, bon... Heathcliff, c'était pas n'importe qui non plus, dans le genre à faire souffrir. Donc bon, bref. Donc il s'est vengé sur le fils de Hindley. Alors par contre, sur son fils, à lui, il peut pas l'aimer, vu que c'est une chiffre molle, c'est tout le contraire du père, quoi. Donc il peut pas l'aimer. Mais il l'utilise. Et il fait en sorte que Cathy s'éprenne de lui. Il écrit même des lettres d'amour à sa place, enfin c'est terrible. Et cette idiote de Cathy se fait avoir. Pourtant, le Linton, il est pas très sympathique, mais enfin bon. Et sitôt marié, en douce d'Edgar, qui est d'ailleurs malade et va bientôt mourir, son père, il fait le mariage, et juste après, il séquestre Cathy. Il séquestre Cathy parce que maintenant elle lui appartient, puisque c'est la femme de son fils, donc il lui impose tout ce qu'il veut. Donc il la séquestre. Et pour se venger d'Edgar, hein, parce que là, il lui en veut à Edgar d'avoir épousé Catherine, celle qu'il aimait, il empêche Cathy de voir son père mourant. Alors ça, c'est pas rien, hein, quand même. Mais finalement, elle va réussir à s'échapper et à le voir quand même. Mais c'était bien son objectif. Alors, Edgar meurt. Cathy se retrouve à la grange, là, puisqu'elle est allée voir son père, avec Hélène, et là, Heathcliff débarque en disant non, tu m'appartiens, et on retour à Hurlevent. Ok. Et dans le même temps, Linton, lui, c'est vraiment très antipathique, enfin, nul quoi, nul, mais de toute façon, on savait aussi qu'il vivrait pas vieux. Ça aussi, c'est quelque chose d'un peu... ça, c'est quelque chose d'assez... finalement, c'est le plus gros écart avec notre vie d'aujourd'hui. Au-delà de la société, c'est vrai, des convenances et ce genre de choses. C'est le fait que la vie est fragile. Nous, toutes les fièvres qui emportent quelqu'un, ou quand il n'est pas bien, tout un hiver, est-ce qu'il va passer l'hiver, c'est le genre de considération qu'on n'a plus. Là, on avait déjà beaucoup de morts quand même, et pas des morts à 60 ans. Hein. Catherine, Edgar, le père Honcho, bon ça. Voilà, il y a quand même cette fragilité là. Et or, Linton, on a toujours dit dès le début que ben il vivrait pas vieux. S'il atteignait sa 20e année, c'était bien. Et que Heathcliff, lui, il voulait juste qu'il épouse Cathy pour avoir les biens de Edgar, mais c'est tout. Pour avoir la grange, mais il savait que son fils ne tiendrait pas. Et effectivement, il meurt peu après le mariage. Bon. Ok. L'horreur, quoi. Alors, maintenant, il a Catherine à domicile. Cathy, enfin bon, Catherine et Cathy. Et c'est là qu'en fait, c'est à ce moment-là que Lockwood est arrivé au début du livre. Sauf qu'après Lockwood, il est parti parce qu'il supportait plus la vie à la grange, trop paumé, quoi. Et il revient, je sais pas combien de temps après, quelques mois ou très peu de temps, quoi. Et là, et c'est là qu'il y a une scène superbe. Il revient et il voit Cathy et Areton qui s'aiment, qui étudient ensemble. Et ça, c'est extraordinaire parce que, alors là, bon. Et en fait, après, il voit Hélène qui lui explique que Heathcliff est mort. Que en fait, Heathcliff était hanté par Catherine, le fantôme de Catherine qui avait dit qu'elle resterait là, quoi. Hein. Son âme resterait dans les Landes de Hurlevent. C'est ce fantôme qu'avait rencontré Lockwood quand il avait fait sa nuit terrible au haut de Hurlevent. Et donc, Heathcliff, il est en connexion de plus en plus avec ce fantôme. Et il finit en fait par se laisser mourir. Il mange plus, il dort plus pendant quelques jours. Il devient fou, il pense plus qu'à ce fantôme. Et il a hâte de retrouver Catherine. Il a hâte de mourir en fait. Il veut être enterré contre elle. D'ailleurs, quand elle avait été enterrée, une fois il avait recreusé, il avait serré dans ses bras. Enfin, c'était, on imagine la scène. Bref. Donc il veut être enterré là, alors qu'Edgar y est déjà. Alors ça, les trois tombes à la fin sont là, quoi. Edgar, Catherine et Heathcliff. Et là, à la maison, il y avait Areton et Cathy. Cathy qui était très très mal depuis déjà qu'elle avait épousé Linton, séquestrée par Heathcliff, et Linton, de toute façon, il est mort rapidement. Et ensuite, elle était avec Areton. Et Areton, très peu de relations avec lui, c'était un inculte idiot. Mais devant Linton... Enfin, bref, devant Cathy plutôt, mais un peu parce que aussi... Linton c'est un peu Edgar et Areton c'est un peu Heathcliff, hein, et Catherine c'est un peu Cathy c'est un peu Catherine si je décale tout d'une génération. Et Areton lui il avait envie de plaire à Cathy, mais elle était tellement mal au début, et on la comprend, qu'elle a repoussé Areton avec mépris en le traitant d'idiot, etc. Et lui du coup il a complètement désinvesti, il a arrêté d'essayer d'apprendre à lire, il a tout arrêté. Sauf que Cathy, quand elle se retrouve dans ce monde-là, elle est attirée par Areton. On ne sait pas si elle est attirée, si elle s'en veut, si elle veut simplement avoir un interlocuteur valable. Mais du coup, elle veut retrouver Areton et puis s'attache à lui de plus en plus. Et elle finit par le convaincre de s'y mettre. Et ils finissent par, après s'être détestés, par être à nouveau en paix. Il y a de belles scènes là, d'ailleurs, c'est vers la fin du livre. Et donc, elle se rapproche de lui. Heathcliff est témoin de ça, mais il s'en fout. Il s'en fout, même si, bon... Enfin, il s'en fout, puis c'est compliqué. Il finira par expliquer à Hélène que, en fait, quand il voit Areton, il se voit lui, et qu'il lui ressemble, et que Cathy ressemble à Catherine, en plus. Donc, ça le rend fou, tout ça. Il supporte plus. Ça lui rappelle trop la Catherine qu'il a perdue. Et donc, il se laisse mourir sans bouger. Au contraire, il part la nuit, on sait pas ce qu'il fait. Enfin, il est en contact avec le fantôme de Catherine... Et puis un jour, il meurt dans la chambre, sur le lit où Lockwood a dormi si mal, et il meurt sur ce lit-là, sans doute en connexion complète avec le fantôme de Catherine. Et ensuite, Areton va, je ne sais plus, épouser Cathy, parce qu'ils sont très très bien ensemble, et voilà, c'est le bonheur. et ils auront les deux maisons, et Hélène est très contente. Et Lockwood, au passage, s'était dit, quand même, elle est tellement belle, Cathy. Si seulement elle avait été un peu plus moins sauvage à l'époque, parce que lui, il l'avait vue au moment où elle était la pire, enfin le pire dépressive, parce que l'horreur. Je l'aurais bien épousée, hein. Bon, mais voilà, il a laissé passer le coche. Voilà, c'est tout. Et puis à la fin, Lockwood est sur les trois tombes et c'est tellement calme qu'il se demande comment ne pas imaginer que les trois âmes reposent ici en paix. Edgar, Cathy et Heathcliff. Et quand même, un point aussi, je parlais du Cathy qui aurait pu choisir Heathcliff comme époux à la place d'Edgar, malgré le fait que ce soit son frère. Adoptif, attention. Mais c'est vrai que c'est amusant parce que il n'y avait sans doute pas d'adoption officielle. Ça s'est sans doute pas fait. Je sais pas si ça s'est fait, mais en tout cas, manifestement, c'était pas une considération vraiment gênante. Et d'ailleurs, quand même, qui va dans le même sens, c'est quand même que Cathy, la fille donc de Catherine, a épousé Linton d'abord. Linton qui est le fils d'Isabelle et Heathcliff. Isabelle étant la sœur de son père. Donc, il n'y a pas besoin d'être grand spécialiste pour savoir que Linton, c'est donc le cousin germain de Cathy. Ensuite, elle épousera Areton. Areton, c'est le fils de Hindley et Frances. Hindley, c'est le frère de Catherine. Donc, c'est son autre cousin. Donc, elle épouse deux cousins. Bon, c'est quand même marrant. Voilà. Alors aussi, donc, la dimension non sexuelle, ça, c'est amusant, c'est vrai qu'il n'y a pas du tout de... Le désir n'est pas sexué, enfin... Le désir, c'est plutôt la passion. Oui, voilà, il y a une passion forte entre Heathcliff et Catherine, mais on est vraiment dans le monde éthéré, dans une forme de... c'est platonicien, c'est platonique, plutôt pour faire simple. Donc je parlais l'absence de sexualité, je crois que j'en étais là, j'ai fait une petite pause. Et c'est vrai que, quel que soit le moment, on passe complètement par-dessus. Et je suis toujours partagé devant ça, parce que c'est presque sûr. C'est qu'à la fois, bien sûr, on pense à Emily Brontë, pas d'histoire amoureuse, pas de vie sexuelle, très probablement, 28 ans quand même, bon, on sait bien, 28 ans à l'époque, il y a une forme de... Elle occulte ce qu'elle ne vit pas. Alors, elle ne le connaît pas, elle ne l'a pas vécu, elle ne l'a peut-être que très peu désiré, cet aspect sexuel, très peu désiré consciemment, parce que trop prise dans un étouffement, une forme, voilà. Et en même temps, du coup, j'ai l'impression que on a un... Alors, en même temps, elle dit la vérité. C'est-à-dire que, oui, ben, la passion, oui, tout ça, oui, le sexe, bien sûr que ça c'est une composante. Mais c'est rien en même temps. Heathcliff et Catherine, ils s'entendent depuis l'enfance, il y a quelque chose qui les unissait. Qui est effectivement pas d'ordre sexuel. En tout cas, peut-être si, comme en tant qu'un homme et une femme, deux êtres sexués, mais c'est pas le désir charnel qui avait du sens pour eux. Et alors bon, allez, après, j'ai lu une petite critique qui disait que c'était amusant parce que c'était comme un amour enfantin, au fond, une passion d'enfant. Oui et non. Oui, c'est vrai, mais en même temps... plutôt un amour qui dépasse aussi ça, qui dépasse, et du coup là, Emily Brontë, dans sa façon d'occulter cette dimension sexuelle, qui est peut-être quand même d'ailleurs un peu plus féminine aussi, est-ce qu'un homme aurait pu mettre de côté ça, je ne sais pas. J'en sais rien. Mais bon, il y a aussi ce que l'histoire d'Emily Brontë, ensuite il y a sa féminité, et ensuite il y a le fond des choses. Ouais, voilà, il y a du vrai, il y a une absence de sexe qui est quand même troublante, et puis en même temps, qui se comprend très bien aussi, ne serait-ce que parce qu'à l'époque on n'avait pas en parlé dans un roman comme ça, et que déjà on écrit un roman avec un pseudonyme. Alors si en plus on. Bon. Voilà. Donc c'était un beau, une belle histoire qui elle un peu. Ouais, un peu brouillonne par moment, ou je sais pas, on a l'impression. Parfois on est un peu perdu. Et puis en même temps. Ouais, moi je suis un tout petit peu sur ma faim. Je peux pas m'empêcher de penser à Jane Austen. Et au fait que c'est à la fois quelque part moins abouti, moins puissant sur le plan littéraire, moins. Mais par contre, il y a un côté diamant brut qu'il n'y a pas dans Jane Austen, un côté surnaturel aussi. Alors ça, bien sûr, il n'y a pas, mais ça, c'est pas ça qui me fait penser à Jane Austen. Bon, c'est une femme et que bon, il y a 50 ans d'écart, je crois, entre les deux, à peu près, Jane Austen et. Ouais, je elle est moins polissée, Emily Brontë, c'est voilà, on est à fond dans la force des sentiments les plus brutaux et les plus passionnés, donc c'est voilà, faudra que je voie le vieux film là parce que au milieu de mon édition là, j'ai une belle édition, j'avoue. C'était quoi le grand livre du mois? Non, je sais même pas. Je sais pas du tout. Première édition, non, Reader Digest. Lire et relire les meilleurs livres du monde. Voilà, c'est ça la collection. C'est pas rien. Alors, oui, il y a des images du film. J'ai des photos du film. Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. D'ailleurs, je pense pas qu'on puisse montrer Heathcliff comme il est dans le livre, parce que ce serait trop violent pour l'époque. Ouais. Donc, ouais, Heathcliff. Il y a vraiment de très très belles photos. Alors, où est-ce que je vais avoir des détails sur le film? Je crois qu'il y en a après. Mais je sais pas où. Si, c'est peut-être à la fin, je regarde. Eh ben non, c'est pas à la fin. Je regarde au début. Bon, c'est pas très grave, mais. Bon, peu importe. Peu importe. En tout cas, il y a y a un film des années 50 en noir et blanc qui avait l'air assez chouette. Voilà, voilà. Donc, c'est un chouette livre. Je voudrais aussi dire quand même un petit mot sur la famille Brontë, parce que c'est Charlotte Brontë qui a écrit Jenner. Incroyable. Et il y avait aussi une Anne Brontë, la troisième sœur, qui a écrit aussi. Alors là, c'est moins connu. Hein. Mais c'est quand même assez génial. Alors, Charlotte Brontë a eu plus de succès tout de suite avec Jenner. Emily Brontë a été critiquée. Il y a une postface de Charlotte Brontë qui parle. Parce que, comme elles écrivaient sous des pseudos, alors, le nom des pseudos, c'est génial, c'était des pseudos d'hommes, hein. Alors, il y avait un pseudo par nom de fille. Alors, il y avait Ellis pour Emily, donc c'est le E à chaque fois, c'est la première lettre. Ellis, Acton pour Anne, et Currer, C-U-R-E-R, avec Belle. Donc, Belle pour Brontë. Currer pour Charlotte, Acton pour Anne et Ellis pour Emily. Or, les critiques sous-entendaient que Les Hauts d'Hurlevent, c'était moins bien que Jenner et que, en fait, l'auteur, Charlotte Brontë, n'avait pas voulu mettre son nom parce qu'elle trouvait que c'était nul son premier roman. Enfin bon, bref, Charlotte voulait mettre ça au clair en disant « Mais non, on avait chacune un pseudo, ma sœur c'est ma sœur, et voilà, moi, c'est pas moi qui ai écrit Les Hauts d'Hurlevent, et voilà. » Et Anne aussi, d'ailleurs. Bon, on sent qu'Anne, et c'est quand même moins bien. Voilà, voilà. Donc ça, c'est quand même assez amusant. Trois sœurs, quand même, c'est pas rien. Ça donne envie de lire Jenner. Mais Anne est morte quelques mois après sa sœur, Emily, en 1849, je crois. Et Emily a écrit cette postface en 1850. Donc c'est vraiment intéressant, quand même, ça donne envie effectivement de... Ouais, il faudrait que je lis Janer pour avoir la suite. Enfin, la suite. Pour sentir un peu. Ils ont été écrits à peu près en même temps d'ailleurs, donc. Voilà. Donc, un beau livre. Pas non plus renversant, hein, mais. Je pense qu'il doit beaucoup quand même dans sa notoriété. Après, une grande notoriété en Angleterre, bon. Mais je crois que le film. Et puis l'espèce de romantisme absolu jusqu'à la cruauté hein, de Heathcliff, c'est quand même ça a joué, je pense beaucoup. Voilà.